إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue maintenant dans la suite de qu'est-ce qu'on a expliqué dans le cours précédent. On a fait l'introduction du livre qui s'intitule Ijma'u ulama, Ijma'u ulama ala al-hajr wa al-tahdhir min ahli al-ahwa, c'est-à-dire le consensus des ulama au sujet du fait de boycotter et de s'écarter des gens de bid'a et de mettre en garde contre eux. Naam. Donc le premier chapitre de ce livre, c'est au sujet de l'avertissement des gens de bid'a, c'est-à-dire que les gens d'Ahl Sunnah, ils mettent en garde contre les gens de bid'a et contre la bid'a elle-même. Et ça, c'est une chose que tu trouves chez les gens de la Sunnah. Chez les gens de la bid'a, ils ne mettent pas en garde, en général, contre les gens de la bid'a, ils ne mettent pas en garde contre la bid'a, puisque eux-mêmes font la bid'a. Tu vas trouver ces gens-là font tout au contraire pour essayer de rendre la bid'a acceptable ou pour la rendre excusable. Et c'est pour ça que c'est souvent chez eux que tu vas retrouver les expressions comme par exemple al-bid'a al-hasana. Ils disent que la bid'a, elle se divise en bonne et en mauvaise, et que la bid'a qu'ils font, elle est bonne. Donc ils essaient toujours de trouver un moyen pour se justifier. Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refuté ça, et il a dit kullu bid'atin dalala. Il a dit toutes les bid'a sont des égarements, sans exception. Il n'y a pas des bonnes et des mauvaises, il n'y en a que des mauvaises. Et ça, c'est quand on parle des bid'a dans la religion, dans l'adoration, dans les règles de la religion, dans la pratique, dans la croyance. Ça, c'est des bid'a d'égarement. Mais si c'est des innovations technologiques dans la dunya, des choses de ce genre, ça c'est une bid'a dans le sens linguistique. Ça veut dire que ce n'est pas des bid'a qui sont interdites. C'est ça, parce que ça n'a aucun rapport avec la religion. Donc ça c'est deux choses différentes, il ne faut pas mélanger ces deux choses-là. Bon, pour rentrer avec l'explication de ce que le cheikh il mentionne dans le livre, pour essayer d'aller plus rapidement puis de perdre moins de temps, c'est-à-dire que ce n'est pas pour perdre de temps, mais pour qu'on profite plus, disons, du temps qu'on a, on va seulement lire les ayats et les hadiths en arabe. Le reste, on va lire que le français. Comme ça, ça nous aide à profiter plus. Et pour ceux qui connaissent l'arabe, ben, ils peuvent retourner au livre directement, puis le lire en arabe eux-mêmes. Donc, le cheikh Khalid al-Zufairi, hafizahullah, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis sa grâce sur les gens, sur tous les hommes, en envoyant parmi eux des messagers comme annonciateurs de bonnes nouvelles et avertisseurs d'un châtiment. Pour que les gens, pour que la preuve d'Allah subhanahu wa ta'ala soit établie sur les gens, et pour pas que les gens aient d'excuses une fois que les messagers ont été envoyés. C'est-à-dire, une fois que les messagers sont envoyés, il n'y a plus d'excuses pour eux au jour de la résurrection. Et le premier d'entre les messagers, c'était Nuh, alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala a débuté par Nuh. Et il a fait en sorte que la conclusion ou la terminaison des prophètes soit celui qui a été envoyé comme une miséricorde et un pardon pour les mondes, c'est-à-dire notre prophète, le prophète de cette Ummah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que par lui, sa religion soit complète et que sa grâce soit parachevée. Et il n'a pas quitté ce monde et il n'est pas retourné vers son créateur, excepté après qu'il ait accompli son devoir et qu'il ait remis le dépôt qu'on lui a confié de façon honnête et fiable et complète, et après qu'il ait transmis la religion d'une façon claire et qu'il ait établi la preuve et qu'il ait clarifié le chemin et qu'il ait lutté sur le sentier d'Allah d'une lutte sincère et véridique jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la lui reprenne son âme et qu'il meure sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un désir ardent de voir sa umma suivre la guidance. Et c'était quelque chose qui pesait lourd pour lui et qui comptait cher pour lui. Et il faisait beaucoup d'efforts et il avait beaucoup beaucoup de sollicitude pour la umma. Ça pesait lourd pour lui et c'était quelque chose qui était difficile pour lui de les voir s'égarer ou de prendre le mauvais chemin. Et le cheikh, il cite à ce sujet-là le verset 128 dans Surat At-Tawbah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. C'est-à-dire que un messager est venu pour vous, de vous-même, sur qui pèsent lourd les choses que vous subissez comme souffrance ou comme difficulté, et qui est plein de sollicitude pour vous et qui est miséricordieux et bon et miséricordieux pour vous, pour les croyants. Et donc, parmi les exemples des efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a fait envers la Ummah pour les guider et pour les faire en sorte qu'ils restent sur sa guidance, c'est qu'il n'a pas laissé une porte parmi les portes du bien excepté qu'il leur a montré cette porte. Et il n'y a pas une porte parmi les portes du mal excepté qu'il les a avertis contre celle-ci. Et il leur a clarifié toutes les voies par lesquelles ils peuvent aller vers le bien et tous les chemins qui peuvent amener vers le mal, il les a avertis contre ces chemins-là. Et parmi les plus grands maux et les choses les plus mauvaises qui sont propagées dans la Ummah et qui ont mélangé beaucoup de gens, il y a la question des innovations, des bid'ah. Et la définition de la bid'ah, comme l'imam Shatibi le mentionne dans son livre Al-Yatissam, il dit que c'est une voie qui est inventée dans la religion pour imiter la charia, par laquelle on essaie, d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fait dans l'intention de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on fait dans la même intention que l'intention avec laquelle on applique les règles de la charia. Donc c'est une voie qui est inventée dans la religion pour imiter la charia et qu'on fait dans la même intention que celle pour laquelle on adore Allah subhanahu wa ta'ala dans la charia. Ça, c'est une des définitions au sujet de la bid'ah. Sinon, on peut dire également que la bid'ah, c'est quoi? C'est toute chose que quelqu'un va faire dans la religion d'Allah qui n'est pas basée sur une preuve du Coran ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui n'a jamais été non plus appliqué par l'exemple des sahaba. Donc ça, c'est une autre façon dont les ulama définissent la bid'ah, quelque chose qui est inventé, quelque chose qui est inventé dans la religion, qui n'a pas de référence ou de preuve à son sujet. Et dans le fait de commettre des bid'ah ou de faire des bid'ah, il y a un genre de, comme les ulama disent en arabe, al-istidrak, à Allah. C'est comme si la personne qui fait une bid'ah, elle est en train de dire à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a oublié quelque chose dans sa religion. Il n'a pas complété l'islam. Et qu'il fallait que quelqu'un vienne après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour parfaire l'islam, pour le compléter parce qu'il n'était pas assez complet, elle n'était pas correcte. Et ça, c'est une insulte contre Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Al-yawmu akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum l'islama dina. Donc, il dit, j'ai complété pour vous votre religion, j'ai parachevé sur vous mon bienfait, et j'ai agréé l'islam comme religion sur vous. Donc la religion, elle est complète. Si quelqu'un vient après pour ajouter des différentes formes d'adoration qui n'existaient pas, des croyances qui n'existaient pas, des règles qui n'existaient pas, c'est comme s'il dit au prophète, ô messager d'Allah, tu n'avais pas bien transmis le message de Dieu. Tu n'avais pas vraiment fait ta mission correctement. Et moi, je viens pour corriger ou compléter qu'est-ce que tu as manqué. Hein? Et donc il insulte l'islam, il insulte Allah subhanahu wa ta'ala et il insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans chaque khutbah qu'il faisait, dans son discours d'introduction, il disait « Wa sharra al-umur muhdathatuha, wa kulla muhdathatin bid'a, wa kulla bid'atin dalala, wa kulla dalalatin finnar » C'est-à-dire qu'il disait dans chaque khutbah qu'il faisait, chaque sermon, il disait la pire des choses c'est les choses inventées dans la religion. Et toute chose inventée dans la religion est une bid'ah. Et toute bid'ah est un égarement, et tout égarement est dans le feu. Donc, c'est pour montrer la gravité et le danger de la bid'ah. Et il dit parmi les exemples de ça, il y a le hadith qui est rapporté selon Abi Huraira, dans lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit « Sayakounu fi akhiri ummati unasun yuhdithunakum bima yuhdithunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum » Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous avertit que, il dit, il y aura à la fin de ma umma des gens qui vont vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues, ni vous, ni vos pères. Alors prenez garde à eux et faites attention à vous. Et il dit, wa an Aisha radiyallahu anha qalat, tala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya, huwa alladhi anzala alayka al-kitab, minhu ayatul muhkamat, hunna umul kitab, ila akhir al-aya. ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم. Donc ça c'est un autre hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim également. Aisha radiallahu anha, elle dit que le prophète صلى الله عليه وسلم a récité le verset 7 dans sourate Al-Imran qu'on a lu dans l'introduction, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit que c'est lui qui a fait descendre le livre ou qui a révélé le livre sur toi. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs et qui sont explicites, qui ne peuvent avoir qu'une seule interprétation, et d'autres versets qui peuvent être équivoques et peuvent avoir diverses façons d'être interprétés. Ceux qui ont une déviation dans le cœur, c'est ces versets-là qu'ils cherchent. Ils cherchent ces versets-là pour créer de la discorde, de la dissension, de la désunion, et pour essayer de les déformer et falsifier leur signification, et ainsi de suite. À la fin du verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous voyez les gens qui suivent et qui font exprès de suivre ces versets qui sont équivoques et qui peuvent être interprétés de diverses façons, c'est-à-dire des versets qui ne peuvent pas être compris par eux-mêmes, ces versets-là ont besoin d'autres versets pour être compris, alors ce sont de ceux-là que Allah a parlé, alors prenez garde à ceux-là, prenez garde à eux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a aussi clarifié le chemin pour être sauvé de la bid'a. Et il nous a mis en garde et il nous a averti contre la bid'a. Et il nous a ordonné de nous en écarter et de nous écarter des gens de bid'a et de les boycotter. Et il dit donc que de boycotter les gens de bid'ah et de s'écarter d'eux et de le rejeter, ça fait partie des fondements de cette religion par lesquels le musulman peut préserver sa religion et par lequel il peut se préserver du mal, des perditions, des bid'ah et des égarements. Il dit, comment cela ne serait pas le cas alors que Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié ce fondement, hein, ce grand fondement directement dans son livre. Ce principe-là, on le retrouve directement dans son livre. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 68, dans surat Al-An'am, وَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِمَّا يَنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Donc, dans ce verset, dans surat Al-An'am, le verset 68, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et si vous voyez ceux qui discutent, hein, qui argumentent au sujet de nos signes, au sujet de nos versets, alors détourne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre discussion. Et si le shaitan t'a fait oublier, alors une fois que tu t'es rappelé, ne t'assois plus avec les gens injustes. Et le verset 140 dans Sourate An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans ce verset, قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Donc ça c'est un verset qui signifie que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur vous le livre, et lorsque vous entendez des gens, lorsque vous entendez que les versets d'Allah sont reniés ou les gens s'en moquent, alors ne vous asseyez pas avec eux. Lorsque vous voyez que les gens sont en train de se moquer et de renier les versets d'Allah, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils rentrent dans une autre conversation ou un autre sujet. Sinon, vous serez comme eux. Sinon, vous serez comme eux. Innakum idhan mithluhum. Et Allah subhanahu wa ta'ala termine le verset en disant que Allah va certes réunir les hypocrites, les munafiqoun et les mécréants tous dans l'enfer. Et comme on va l'expliquer, c'est que ces versets-là sont à la base révélés à propos des koufars, des mushrikin et des munafiqin, mais que ça s'applique pas seulement à eux. Ça peut s'appliquer également à tous ceux qui rentrent dans le sens du verset, et donc les ulama ont inclus les gens de bid'ah dans cette catégorie-là, dans cette catégorie avec qui on doit appliquer donc qu'est-ce qui est mentionné dans ces versets-là. Et la preuve de ça, c'est dans les paroles des salaf. On retrouve des exemples de ça. Il dit قال ابن عون كان محمد بن سيرين رحمه الله يرى أن أسرع الناس ردة أهل الأهواء. Donc Ibn Aoun, il dit que Muhammad ibn Sirin, rahimahullah, c'était un des tabi'in, un des élèves des sahaba. Il a grandi dans la maison des sahaba. Il a étudié avec la plupart des grands parmi les sahaba. Donc c'était un des plus grands ulama parmi les tabi'in. Il considérait que les gens qui tombaient le plus vite dans l'apostasie et dans la mécréance après avoir cru en l'islam, sont les gens de la passion, c'est-à-dire les gens de bid'ah. Et il considérait que ce verset était révélé à leur sujet. C'est-à-dire le verset qu'on a mentionné, le verset 68 dans Sourate Al-An'am. Et si vous voyez ceux qui discutent au sujet de nos signes, alors écartez-vous d'eux. Hein, parce que c'est ce que font les gens de bid'ah. Ils argumentent et ils débattent au sujet des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils argumentent et ils débattent dans le faux, bil-batil. Le cheikh, il dit ensuite, et cette citation est tirée du livre de Al-Ibana, de l'imam Ibn Battah. Et il dit, وعن ليث, il dit selon ليث ibn Abi Salim, selon Abi Ja'far, qui a dit, ne vous assoyez pas avec les gens des disputes et d'argumentation et de discorde et des choses comme ça. Rentrez pas dans ces sujets-là. Parce que, فإنهم الذين يخوضون في آيات الله. Ne vous assoyez pas avec ces gens-là qui rentrent dans ce genre de choses-là, parce que ce sont les gens qui discutent au sujet des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est tiré de Tafsir al-Tabari et de Tafsir al-Qurtubi aussi. L'imam Muhammad ibn Jarir al-Tabari dans son Tafsir, il dit à propos de ce verset, il dit: "Wa fi hadhihi al-aya ad-dilala al-wadhiha 'ala an-nahy 'an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'a wal-fasaqa 'inda khawdihim fi batilihim." L'imam al-Tabari dans son Tafsir, le Tafsir al-Tabari c'est un des plus anciens parmi les Tafsirs, hein? Et les ulama ils se réfèrent à ce Tafsir là en disant que c'est le grand-père des Tafsirs, parce que c'est un des plus anciens et c'est un des Tafsirs qui rapporte chaque parole qui est rapportée d'un salaf avec une chaîne de transmission. Tandis que les autres livres que vous allez trouver comme Tafsir ibn Kathir ou les autres, ils se réfèrent tous à Tabari, sauf qu'ils vont mentionner parfois seulement la parole de yani des salafs sans mentionner la chaîne de transmission. Donc ils se sont tous référés, tous ceux qui sont venus après l'imam al-Tabari se sont tous référés à l'imam al-Tabari, d'accord. Et l'imam al-Tabari c'est un des grands imams des salafs, un des mujtahidines parmi les imams de l'islam, un des plus grands ulama. Et il n'était pas seulement un savant dans le tafsir, il était savant dans tous les domaines, dans l'arabe, dans la langue, dans le fiqh, dans l'usul et dans tous les domaines que vous pouvez imaginer des bases de l'islam. Donc qu'est-ce qu'il a dit à propos de ce verset-là? Il dit dans ce verset, il y a la preuve claire que c'est une interdiction de s'asseoir avec les gens de la fausseté dans toutes les différentes catégories de bid'a et de péché lorsqu'ils discutent et qu'ils patauchent dans leur fausseté. Il dit, et c'est pour cette raison-là que les salafs ont donné de l'importance à ce grand fondement, c'est-à-dire le fondement de boycotter les jeunes bid'ah et de se séparer d'eux et de s'écarter d'eux. Et ils ont donné à ça la plus grande importance. Hein? Et ils lui ont donné la plus grande... Ils se sont préoccupés de cette question-là avec beaucoup d'attention. Et leur biographie et leurs histoires est remplie d'exemples de gens qui ont boycotté les innovateurs et les gens de bid'a et qui les ont humiliés, qui les ont rabaissés. Et donc, si on voulait ramener et rapporter tout ce qui a été dit de leur part à propos de ce sujet-là, on aurait pas seulement fait un volume, on aurait réuni des volumes de livres à ce sujet-là seulement. Et il dit ensuite, et la personne qui regarde toute la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et toute la vie à travers la vie des khilafas de Abu Bakr et de Omar, il va trouver que ils ont tous suivi le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils étaient tous d'accord pour suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et la bid'a ne trouvait jamais de chemin vers eux. C'est-à-dire que la bid'a pouvait pas, elle n'avait pas un moyen de s'installer et de rentrer à ces époques-là. Hein? Et même les gens qui voulaient essayer de rentrer avec des formes d'exagération ou d'extrémisme dans la religion, eh bien, ils n'ont pas été capables non plus de rentrer avec ces choses-là à cette époque-là. Et il n'y a rien de ça qui pouvait rentrer chez eux à l'époque. Excepté peut-être dans certains cas d'exception très limitée. Hein? Et lorsque ces choses-là apparaissaient à l'époque, elles étaient tout de suite écrasées dans leur berceau. Hein? De la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de ses khulafa, de ses successeurs qui sont venus après. Hein? Donc, quand il y a eu certaines manifestations, par exemple, certaines choses qui sont arrivées, tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a clarifiées et réfutées. L'exemple des trois hommes qui ont demandé à propos de l'adoration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a un qui a dit, par exemple, moi je vais pas manger, je vais jeûner tout le temps. L'autre, il a dit, moi je vais pas épouser de femme, je vais rester toujours célibataire. L'autre, il a dit, moi je vais prier toutes les nuits, je ne vais jamais dormir, ou des choses de ce genre. Tout de suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a réfutés. Et à l'époque des sahaba, la même chose. Abdullah ibn Mas'ud, quand il a vu les gens en cercle à la mosquée, en train de compter des pierres, et faire le tasbih avec les roches, en groupe, en cercle dans la mosquée, tout de suite, il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? C'est une porte vers l'égarement. Hein? Et l'exemple de Sabir ibn Asal, quand il commençait à demander à propos de tous les versets, des mots, des paroles, yani des mutashabihat, il posait des questions à tout le monde à propos de ces versets-là. Et Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, l'a puni pour ça. Il l'a fait expulser. Hein, il a fait de lui un exemple. Donc, chaque fois qu'il y avait des manifestations de bid'a qui apparaissaient, tout de suite, hein, ils étaient... punit ces gens-là. Une femme, par exemple, elle ne parlait pas. Et Abu Bakr, radiallahu anhu, il a dit, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, elle ne parle pas. Il a dit, elle fait un jeûne de la parole. Abu Bakr, Siddiq, radiallahu anhu, il a dit, non, ça, c'est pas permis dans la sunna de faire ce genre de choses-là. Hein? Ça n'existe pas dans la sunna. Tout de suite, elle s'est mise à parler. Toute petite innovation qui apparaissait, tout de suite, elles étaient réfutées. Et la même chose après l'époque, il y a une année après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les premiers qui sont arrivés avec la bid'a des Khawarij, ils ont été combattus. Les Shia, Abdullah ibn Saba, ceux qui avaient dit par exemple à propos de Ali radiallahu anhu qu'il était Dieu, des choses comme ça. Ali a fait creuser une fosse, il les a fait brûler vivants, parce qu'ils ont dit qu'il était Dieu. L'exemple des Qadariya, lorsque des tabi'ins sont venus demander à Ibn Omar à propos des gens qui niaient le Qadar après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout de suite Ibn Omar leur a dit, même s'ils donnent la montagne de Uhud en sadaqa, Allah va rien accepter d'eux jusqu'à ce qu'ils croient en Al-Qadar. Et la même chose après avec d'autres bid'ahs qui sont apparus par la suite, et à chaque fois les sahaba et les tabi'in, les imams de l'islam les ont réfutés. Hein? Et donc les bid'ah au début, elles étaient humiliées. Donc le cheikh, il va mentionner de toute façon des exemples de ça. Il dit, les sahaba et les tabi'un, ils ont fait face à toutes ces sectes et à toutes ces bid'ah. Ils les ont affrontés avec l'épée, avec la langue. Et ils ont mis en garde les gens contre eux. Ils se sont désavoués des innovations et des gens de l'innovation. Et ils les ont écartés, ils se sont écartés d'eux, et ils les ont rejetés, ils les ont repoussés. Hein? Et ça, c'était uniquement pour suivre la voie de la charia qui a été clarifiée par Allah et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'explication qu'on a mentionnée précédemment. Donc, ils s'accrochaient fermement au livre d'Allah et à la sunna de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il dit ça, c'est Ibn Omar, lorsqu'il a été demandé à propos des Qadariyah, hein, comme je vous ai dit. Il a dit, قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. Dites-leur, si vous les rencontrez, je les rencontre, je vais leur dire que je suis innocent, je me désavoue d'eux et eux sont innocents de moi. J'ai rien à voir avec eux. Et Ibn Abbas, et ça c'est rapporté dans Sahih Muslim, Ibn Abbas, il dit, ne vous asseyez pas avec les gens de la passion, parce que le fait de s'asseoir avec eux rend les cœurs malades. Ça, c'est rapporté dans Al-Ibana de Ibn Battah. Selon Atta, radiyallahu rahimahullah, il dit, Ataytu Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il dit, je suis venu voir Ibn Abbas, alors qu'il était en train de, près de la source de Zamzam, et le bas de son vêtement était mouillé avec l'eau de Zamzam. Et je suis allé le voir et je lui ai dit, les gens ont commencé à parler à propos du Qadar. Hein? Alors, Abdullah ibn Abbas a dit, est-ce qu'ils ont fait ça, vraiment? Et il dit, j'ai dit, oui, ils ont parlé à propos du Qadar. C'est-à-dire, ils ont commencé à nier ou à philosopher, à rentrer dans les questions du Qadar. Alors, il a dit, par Allah, hein, il dit, فَوَاللَّهِ مَا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةِ إِلَّا فِيهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرْ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. Il dit, par Allah, je jure que ce verset-là était révélé à propos d'eux. Et Abdullah ibn Abbas, c'est Turjuman al-Qur'an. C'est celui à propos de qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un dua en disant Allahumma allimhu faqqihhu fid din wa allimhu ta'wil, c'est-à-dire oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation du Coran. Et donc Abdullah ibn Abbas, c'est un des plus savants parmi les sahaba au sujet de l'interprétation du Coran. Il dit, je jure par Allah que ce verset était révélé à leur sujet, c'est-à-dire le verset dans Surat al-Qamar, hein? Goûtez le toucher de Saqar. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Toute chose nous l'avons créée dans une juste mesure. Et il dit, ces gens-là sont les pires créatures, sont les pires de cette umma. Ulaika shiraru hadhihi al-umma. Il a dit, ne les visitez pas quand ils sont malades et ne priez pas sur leur mort. Et si je verrais un d'entre eux, je creverais leurs yeux avec mes deux doigts. Hein? Donc ça c'est ce que Abdullah ibn Abbas a dit lorsqu'il a entendu parler de ces gens-là. Ça c'est rapporté dans Sharh al-Sunnah de l'imam al-Lalakai et al-Sunan al-Kubra de l'imam al-Bayhaqi. Ensuite il dit que Omar ibn Abdul Aziz il a écrit une lettre à Ali ibn Arta, et dans cette lettre il disait Amma ba'd, ensuite il dit, je glorifie Allah subhanahu wa ta'ala, celui que rien ne mérite d'être adoré excepté lui, et je t'enjoins à avoir la piété envers Allah et le fait d'être modéré dans son commandement, et de suivre la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et d'abandonner ce que les gens ont inventé parmi les choses que les gens ont inventées. Et il dit, et limitez-vous à ce que vous avez reçu, et accrochez-vous à la sunna, restez accrochés et fermes sur la sunna, parce que la sunna, celui qui l'a appliqué et qui l'a suivi, il l'a uniquement suivi et appliqué par rapport à ce qu'il connaissait, qui oppose l'erreur et les fautes, et l'extrémisme et l'exagération. Alors sois satisfait en toi-même de ce que les premiers ont été satisfaits pour eux-mêmes, parce que lorsqu'ils se sont arrêtés devant un sujet, ils se sont arrêtés devant cette chose-là avec science. Quand ils se sont abstenus de parler de quelque chose, c'est avec compréhension qu'ils se sont abstenus d'en parler, et ils avaient une plus grande capacité découvrir les choses et de comprendre les choses. Et si il y avait quelque chose de meilleur à faire, ils auraient été les premiers à le savoir et à le connaître. Mais si vous dites il y a quelque chose qui est venu ou qui a été inventé après eux, donc si quelque chose a été inventé après eux, c'est uniquement parce que c'est quelque chose qui est autre que ou différent de leur sunna. Et donc celui qui suit autre que sa sunna, c'est comme s'il a pensé qu'il y a quelque chose de meilleur que qu'est-ce qu'ils ont suivi, alors que c'est eux qui nous ont précédés. Et ils ont parlé au sujet de ce qui, dans les questions de religion, et ils ont dit ce qui était suffisant. Et ils ont décrit ce qui était suffisant pour guérir et pour remédier à nos problèmes. Et ceux qui sont venus après eux, c'est eux qui ont des manquements et qui sont limités dans leur connaissance et dans leur compréhension. Et il n'y a personne qui est au-dessus d'eux. Et ceux qui sont venus après, qui se sont égarés, ils se sont égarés uniquement parce qu'ils ont manqué à qu'est-ce que eux ont suivi. Parce qu'ils étaient sur une guidance droite ou une guidée droite. Ensuite, il mentionne une autre parole de Abi Qilaba. Il dit qala la tujalisu ahl al-ahwa wa la tujadiluhum fa inni la amanu an yahmisukum fi dalalatihim aw yalbisu alaykum ma ta'rifun. Abu Qilaba, qu'est-ce qu'il disait? Ne vous assoyez pas avec les gens de la passion et ne débattez pas avec eux, parce que je crains qu'ils vous fassent plonger dans leurs égarements ou qu'ils vous mélangent les choses dont vous avez connaissance. Ça c'est rapporté dans Sunan Abu Daoud, dans Al-Sharia et dans Al-Hilya. Et ensuite, il y a une autre citation selon Amr ibn Qays Al-Mala'i. Il dit, ne vous assoyez pas avec l'individu qui est dans la déviation, parce que ton cœur va dévier. C'est rapporté dans Al-Ibana. Il mentionne ensuite une autre parole de Ibrahim al-Nakhai, un des tabi'in. Il dit, ne vous assoyez pas avec les gens de la passion, parce que le fait de s'asseoir avec eux enlève la lumière de la foi des cœurs et enlève la beauté des visages, et elle met dans les cœurs des croyants la haine et l'animosité. Mujahid, un autre parmi les tabi'in, un des élèves de Abdullah ibn Abbas, il dit, ne vous assoyez pas avec les gens de la passion, hein, parce qu'ils sont comme des sauterelles. Hein, ils sont comme des sauterelles. Et ça, c'est le c'est dans Al-Ibana aussi. Ismail ibn Ubaydillah, il a dit, ne vous assoyez pas avec la personne qui a la bid'a, parce qu'il va rendre ton cœur malade, et ne t'assois pas avec quelqu'un qui a été éprouvé par une fitna. Et non, mais ne vous assoyez pas avec quelqu'un qui a été éprouvé par une fitna. Ça, c'est également dans Al-Ibana. Mifdal ibn Muhalhal, il a dit, si la personne qui suit la bid'a, lorsqu'elle s'assoit avec toi, elle te mentionnait sa bid'a du premier coup, tu pourrais faire attention et prendre garde, et tu pourrais t'enfuir. Mais quand il te vient au début, il te mentionne des ahadiths du prophète de la sunna, hein, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début, hein, lorsqu'il s'assoit avec toi. Puis ensuite, il rentre sur toi avec sa bid'a. Et peut-être que cette bid'a, elle va rester dans ton cœur. Et si elle rentre, quand est-ce qu'elle va sortir? Et ça, c'est vrai. Qu'est-ce que cet imam, il mentionne ici? C'est la réalité de la méthode des jeunes bid'a. Il ne rentre pas sur toi avec sa bid'a du premier coup. Il te parle des choses que tu acceptes et que tu connais. Hein? Il te parle des choses de la sunna, de l'histoire des prophètes, l'histoire de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choses générales que tout le monde connaît, ou bien des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même des versets de Coran, de tafsir et des choses de ce genre. Il te parle de ces choses-là. Puis après, une fois qu'il a gagné ta confiance, il commence à te lancer des bid'as. Et là, une fois que tu commences à les accepter, ça y est, tu peux plus t'en débarrasser. Parce que c'est des shubuhat. Puis les shubuhat, une fois qu'elles rentrent dans ton cœur, si t'as pas des bases solides et une grande connaissance, tu pourras pas t'en débarrasser facilement. Et c'est ça le danger. Il dit, wa'an Hisham ibn Hassan, il a dit que Al-Hassan al-Basri et Muhammad ibn Sirin, ça c'est deux imams parmi les tabi'in, ils disaient, ne vous assoyez pas avec les gens de la passion et ne débattez pas avec eux et n'écoutez rien d'eux. Ça veut dire, subhanallah, même de s'asseoir avec eux, c'est pas permis. De débattre avec eux, c'est pas permis. Et de les écouter parler non plus, c'est pas permis. Ça, c'est rapporté dans Tabaqat ibn Sa'd et dans Sunan al-Darimi, Sharh al-Sunnah et dans Al-Ibana de Ibn Battah. Donc, l'imam Hanbal ibn Ishaq, il dit, j'ai entendu Abu Abdillah, c'est l'imam Ahmad, qui disait, les gens de Bid'a, il n'est permis à personne de s'asseoir avec eux, ni de les fréquenter, hein, et ni de se sentir à l'aise avec eux. Tout ça, c'est des avertissements des salafs. C'est des avertissements de nos imams à propos des gens qui font des innovations et ils parlent avec connaissance et avec expérience. Et s'ils nous mettent en garde contre ces gens-là, c'est pour nous, c'est pour notre bien. Et c'est pour nous préserver, en fait, pour qu'on puisse préserver notre religion. Il dit ensuite, وعن ثابت بن عجلان قال, il dit, ثابت بن عجلان, il dit, j'ai rencontré Anas ibn Malik et Ibn al-Musayyib et Al-Hassan al-Basri et Saïd ibn Jubayr et Al-Sha'bi, imaginez, Si quelqu'un aujourd'hui, Yanni, quand il est en train de mentionner des grands imams de son époque, il dit « je les ai rencontrés ». C'est comme si quelqu'un il disait aujourd'hui « j'ai rencontré Ibn Baz, et Cheikh Al-Albani, et Cheikh Mohamed Ibn Uthaymin, et Cheikh Salih Al-Sheikh, et Cheikh Rabi Al-Madkhali, et Cheikh Al-Luhaydan, et Cheikh Al-Rudayan, et ainsi de suite. » Il commence à énumérer les imams de la Salafia à notre époque, et Cheikh Mokbel, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Puis à la fin, il dit, hein, j'ai rencontré tous ces imams-là. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, Masha'Allah, hein, c'est quelqu'un qui a connu les plus grands savants de son époque. Eh bien, lui, il parle des savants de l'époque des Salafs. Hein? Encore plus des imams encore plus grands dans la Sunna et dans la Salafia. Et il dit, j'ai rencontré Anas ibn Malik. Anas ibn Malik, c'est un sahabi. Hein? Ibn al-Musayyib, al-Hasan al-Basri, un des plus grands parmi les tabi'in. Saïd ibn Jubayr, al-Sha'bi, Ibrahim al-Nakha'i, Ata ibn Abi Jarrah, Taous. Hein, un des grands imams parmi les salafs du Yémen, Mujahid, l'élève d'Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Abi Malika, Az-Zuhri, un des plus grands, encore un des plus grands imams parmi les imams des salafs, Makhoul, Al-Qasim ibn Abi Abdurrahman, Atta al-Khurasani, Thabit al-Banani, Al-Hakam ibn Utayba, Ayyub al-Sakhtiyani, حماد محمد بن سيرين أبا عامر وكان قد أدرك أبا بكر الصديق. Donc il dit, j'ai rencontré tous ceux-là, et Abu Amir, lui, il a rencontré Abu Bakr al-Siddiq. Donc c'est pour te montrer qu'il a connu tous ces imams parmi les imams des salafs, et tous ces, même parmi certains parmi les sahaba. Et Yazid al-Raqashi et Sulayman ibn Moussa, et ils m'ont tous ordonné de rester avec la jama'a, et ils m'ont tous interdit de rester avec les gens de la passion. Donc ils m'ont tous ordonné de rester avec la jama'a et m'ont interdit les gens de la passion. Ça c'est rapporté dans Al-Ma'rifa wa al-Tarikh et dans Sharh al-Sunnah al-Lalaka'i. Et donc, il y a beaucoup d'autres narrations de ce genre chez les salafs, dans la façon d'agir envers les gens de bid'ah, et dans la façon de mettre en garde contre les gens de bid'ah. Hein? Il y en a plein de citations comme ça. Donc ça, c'est des preuves qui montrent que nos imams, parmi les imams des salafs, leur voie, leur méthodologie, c'était ça. Et qu'ils ne trouvaient pas ça étrange, qu'on mette en garde contre des innovateurs ou contre des bid'ahs. Au contraire, ça c'est le manhaj des salafs. Donc si quelqu'un aujourd'hui te parle des salafs et il te dit autre que ça, autre que ces imams là ont dit, tu sais tout de suite que c'est quelqu'un qui ment à propos des salafs, parce que les salafs, c'était un de leurs principes de base, un de leurs fondements, de mettre en garde contre toute personne qui appelle à la bid'ah. Et il dit ensuite que les salafs, rahimahumullah, ils sont tous d'accord, ils étaient tous unis à toutes les époques et dans toutes les villes sur ce principe-là. Et plusieurs d'entre les hommes de science ont mentionné le consensus à ce sujet-là, et le chapitre 4, c'est justement à ce sujet-là. Donc les salafs ont tous, ceux qui nous ont précédés, parmi les premiers d'entre les salafs et ceux qui sont venus après, ils ont tous mis en garde contre l'innovation, contre les gens de l'innovation, de la même manière. C'est-à-dire, ils n'ont pas juste mis en garde contre l'innovation elle-même, mais ils ont également mis en garde contre ceux qui font l'innovation. Parce que, il dit, si tu mets en garde contre la bid'ah, mais que tu laisses aller les gens de bid'ah, que tu ne mets pas en garde contre ceux qui font les bid'ah, eh bien, ils vont continuer à propager leur bid'ah. Puisque la plupart des gens, en général, quand tu leur mets en garde contre une parole ou contre une idée, des fois ils n'arrivent pas à faire le lien entre l'idée ou la bid'ah et la personne qu'il fait. Et même, je me rappelle, quelqu'un il mentionnait une fois qu'il avait mis en garde contre une bid'a. Pendant des années, il mettait en garde contre une bid'a qui se produisait de la part d'un individu en particulier. Mais qu'il n'avait jamais mentionné le nom de cette personne. Et il remarque que, malgré qu'il a mis en garde contre cette bid'a, les gens continuaient tout le temps à retourner chez cette personne et retourner vers elle. Alors, il a dit, maintenant, je vais mettre en garde contre cette personne. Et lorsqu'il a mis en garde contre la personne, les gens ont compris. Et c'est là qu'ils ont fait le lien. Ils ont dit, ah, tu parlais toujours de cette chose-là, donc tu parlais en fait de cette personne. Hein? Et ils ont compris, mais auparavant, ils n'avaient pas compris. Ils pensaient qu'ils parlaient de quelque chose d'autre, et ils n'ont jamais fait le lien entre la bid'a et la personne. Donc le fait de mettre en garde contre la personne, c'est quelque chose qui vient fermer la porte à la propagation de la bid'a de cette personne. Le cheikh, il dit donc que les bid'a, elles ne marchent pas par elles-mêmes. Il n'y a pas une bid'a qui se promène toute seule dans la rue. Ça n'existe pas. La bid'a, elle a besoin de quelqu'un qui la propage, qui la fait diffuser, hein, qui fait qu'elle se propage parmi les gens. Et donc, ça implique que tu dois mettre en garde non seulement contre la bid'a, mais contre ceux qui pratiquent cette bid'a. Hein? Et lorsque tu as réprimandé et réfuté et mis en garde contre ceux qui la propagent et ceux qui la font, eh bien là, les gens vont se mettre à l'écart, ils vont s'écarter d'eux, ils vont les délaisser, ils vont les abandonner, et cette bid'a, elle va mourir. Cette bid'a, elle va mourir. Hein? Et par la suite, bien entendu, les gens vont délaisser ceux qui la propagent. Hein? Ils ne vont plus être capables de la propager ou d'appeler ou d'inviter à cette bid'a parce que les gens vont savoir tout de suite. Lui, il appelle à cette bid'a, on le connaît maintenant, on est averti. Et il dit qu'à notre époque, il y a des gens qui sont arrivés parmi les jeunes, hein, les faibles d'esprit, qui disent une parole qui est inventée, innovée, qui n'a aucune référence, aucune preuve. Ils disent non, il faut juste avertir contre l'innovation seulement. Il ne faut pas mettre en garde contre celui qui fait l'innovation. Et il ne faut pas parler contre celui qui fait l'innovation. Limite-toi juste à parler de l'habitat seulement. Et il dit qu'ils veulent par là fermer la porte de la mise en garde contre les innovateurs, pour que leurs imams et leurs chefs puissent être épargnés et pour qu'ils puissent continuer à propager leurs idéologies, leurs méthodologies qui sont innovées, comme ils veulent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a légiféré pour sa umma la mise en garde contre les gens de bid'ah, et en les mentionnant directement, c'est-à-dire en les mentionnant par leur nom. Et en mentionnant leur personne directement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué ça en parlant par exemple de Dhul Khuwaysira. Et Dhul Khuwaysira, c'est l'homme qui est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il distribuait le butin après la bataille de Hunayn. Et il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam puis lui a dit, crains Allah, Muhammad, crains Allah parce que tu n'as pas été juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en garde contre lui par la suite. Hein? Et il a dit, si moi je ne crains pas Allah, qui va craindre Allah? Hein? Il a dit que de cet homme, hein, il a indiqué cet homme en particulier, il a dit que de cet homme vont sortir des gens, vous allez mépriser votre prière. Il s'adresse aux sahaba. Il dit, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Et vous allez mépriser votre lecture du Coran par rapport à leur lecture du Coran, et ainsi de suite. Et leur jeûne par rapport à votre jeûne. Ils vont réciter le Coran, mais ça ne va jamais dépasser leur gorge. Et ils vont quitter la religion comme la flèche lorsqu'elle traverse sa cible. Et donc, dans ce hadith-là, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit spécifiquement, سَيَخْرُجُ مِنْ ضِئِ هَذَا. Donc il a désigné de façon spécifique, hein, en parlant de lui spécifiquement et directement et clairement. Donc le cheikh dit, le cheikh ibn Taymiyyah a dit, donc il faut absolument mettre en garde contre ces innovations là et si ça implique que de mentionner leur nom et de les désigner directement, alors c'est ce qu'il faut faire. Ça, c'est dans Majmou' Fatawa, hein, volume 28, page 233. Le cheikh dit ensuite, que les salafs, le fait de mettre en garde, le fait que les salafs ont mis en garde contre les gens de bid'a, ça c'est quelque chose qu'on retrouve plein d'exemples à ce sujet-là, dans les exemples de nos salafs salih. Et la chose qui les a poussés à mentionner ces individus-là spécifiquement, et de citer leur nom et de mettre en garde contre eux, c'est dans le but de donner le bon conseil à la Ummah, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et de donner la nasiha pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pour les imams des musulmans et les musulmans en général. Donc, l'exemple par exemple de l'imam Malik ibn Anas, rahimahullah, qui est un des imams parmi les imams des salafs, il a mis en garde contre les bid'ah et contre les gens de bid'ah de façon spécifique, et il a désigné des individus spécifiques. Il y a un premier exemple, il dit, Abdurrahman ibn Mahdi, il dit, je suis rentré voir l'imam Malik. Et il y avait un homme qui demandait au sujet du Coran. Alors, l'imam Malik a dit, probablement que tu es un des compagnons de Amr ibn Ubayd, que Allah maudisse Amr, parce qu'il a innové une de ses bid'a à propos de il a innové une de ses bid'a parmi les paroles. Donc, ça, c'est une parole de l'imam Malik qui désigne un innovateur de façon spécifique. Il parle de Amr ibn Ubayd, un des Mu'tazila, parmi les Mu'tazila. Et les Mu'tazila, on les connaît parce que c'est des gens qui nient les attributs d'Allah et qui nient le Qadar et qui ordonnent, hein, ou qui appellent à la révolte contre un dirigeant injuste ou des choses de ce genre. Et ça, ça fait partie de certaines de leurs innovations. Et c'est ceux qui disent également Al-Manzila bin Al-Manzilatayn, hein, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des exemples de la parole de l'imam Malik, et c'est tiré de Manaqib Malik par le cheikh ou l'imam qui a écrit ça, c'est Az-Zawawi. Ensuite, il y a un autre exemple aussi de la parole de une autre parole de l'imam Malik qui disait Iyyakum wa ashab ar-ra'i fa innahum a'da'us sunnah. Il dit, je vous mets en garde, prenez garde aux gens de ra'i, c'est-à-dire les gens qui se basent sur leurs opinions et qui parlent de leurs opinions, parce que ce sont les ennemis de la sunnah. Et quand on parle de ra'i, on parle des gens qui, c'est des gens de bid'ah en fait, ou des gens qui amènent des innovations et qui parlent selon leurs opinions et qui délaissent la sunnah. Un autre exemple, il dit que Ibn Abi Zayd, c'est probablement Al-Qayrawani, qu'est-ce qu'il disait, Ibn Abi Zayd, il dit, il y a un homme qui a dit à Malik, non, il dit, un homme a dit à l'imam Malik, « Oh Abba Abdillah, Ar-Rahman ou ala l'arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé sur son trône. Comment s'est-il élevé? Kayfa istawa? » Et l'imam Malik a répondu, il a dit, « Al-istiwa, le fait de l'élévation, le fait de s'élever, c'est quelque chose qui n'est pas ignoré, « Ghayr majhoul. » Ou « Al-kayf, ghayr ma'koul. » Le comment, ça c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre de façon rationnelle ou avec notre raison. On peut pas le connaître. والسؤال عنه بدعة. Et de demander à ce sujet-là, c'est une innovation. والإيمان به واجب. Et de croire en ça, c'est obligatoire. C'est-à-dire, c'est obligatoire de croire en cet attribut que Allah est au-dessus de son trône. Et il a dit après, وأراك صاحب بدعة وأمر بإخراجه. Il dit, je te vois, je te considère comme une personne qui est sur la bid'a, un innovateur. Et il l'a ordonné de sortir. Parce que les sahabas, ils posaient jamais la question à propos d'Allah. Comment il est? Comment sont ses attributs? Et personne ne posait ce genre de questions-là. Sauf quand les gens de bid'a sont apparus à propos de Ilm al-Kalam et les gens qui ont commencé comme Al-Jahmiya et Al-Mu'tazila, commencé à nier les attributs d'Allah. C'est eux qui ont commencé à poser ce genre de questions-là à propos de comment. En parlant d'Allah. Et il a dit, donc je te considère comme un innovateur, puis il a ordonné qu'il soit expulsé. Donc ça c'est l'imam Malik. Maintenant l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a plein d'exemples de l'imam Ahmad ibn Hanbal, au sujet de la mise en garde contre les gens de Bid'a et même la mention de leur nom. Hein? Et la raison de ça, c'est pour mettre, hein, c'est pour donner le bon conseil à la Oumma. C'est pas parce qu'ils veulent faire de la médisance ou parler dans le dos, comme certains qui disent aujourd'hui à propos des ulama qui mettent en garde contre des innovateurs ou contre des personnes qui appellent à l'égarement. Ils mentionnent leur nom et ils disent aux gens de faire attention à eux. Les gens disent, ah, eux, ils font de la médisance, ils parlent dans le dos. Eh bien non, puisque nos salafs, ils faisaient ça aussi. Et le but de ça, c'est de donner la nasiha, donner le bon conseil. Donc il dit, l'imam Ibn al-Jawzi, il rapporte que l'imam Abu Abdillah Ahmed ibn Hanbal, à cause de la force de son accrochement à la sunna et de son interdiction de la bid'a, hein, il parlait au sujet des groupes d'entre les meilleurs des gens lorsque se produisait de leur part quelque chose qui est en opposition avec la sunna. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, depuis qu'il constatait de la part des gens, même si c'était parmi les gens qui étaient connus comme étant les gens de bien, qu'ils constataient de leur part une innovation ou quelque chose qui est en opposition avec la sunna, eh bien, ils parlaient sur eux. Hein? Et sa parole était prise comme une nasiha dans la religion. Ça, c'est tiré dans le livre de l'imam Ibn al-Jawzi, Manaqib al-Imam Ahmad. Et parmi les exemples de ça, il dit, « An Abi Mazahim, Moussa ibn Ubaidillah ibn Khaqan » Il dit, قال لي عمي, il dit, mon oncle m'a dit, Abu Ali, Abdurrahman, Ibn Yahya, Ibn Khaqan, il a dit, Al-Mutawakkil, il m'a ordonné d'aller poser des questions à l'imam Ahmed. Parce qu'il voulait chercher, il voulait savoir qui il devait choisir comme juge. Parce que vous savez qu'à l'époque de l'imam Ahmed, il y a eu la fitna de Khalq al-Qur'an. Et que le premier khalifa qui a accepté la aqidah des Mu'tazila et qui appelait à la fitna de la création du Qur'an, c'était al-Ma'moun. Et ensuite, il y a eu al-Mu'tasim. Et ensuite, il y a eu al-Wathiq. Ces trois khulafas étaient des khulafas Mu'tazili. Et il y a eu, à la suite de ces trois-là, il y a eu al-Mutawakkil. Et Al-Mutawakkil, c'est celui qui est revenu à la sunna et qui a remis la sunna à sa place et qui a repoussé les gens de Bida parmi les Mu'tazila. Donc, il a écrit une lettre à l'imam Ahmed pour lui demander de qui parmi les gens je peux utiliser comme juge dans les tribunaux. C'est-à-dire, il ne veut pas mettre dans ces positions-là des gens de Bida et des Mu'tazila. Donc, il demande à l'imam Ahmed, c'est qui que je dois placer, hein, dans ces postes-là. Parce que l'imam Ahmed, il a été torturé pour avoir défendu la sunna et pour avoir défendu la aqida et les attributs d'Allah. Donc, il lui a posé des questions. Alors, il dit, j'ai demandé. Abu Mazah, il me dit, je suis sorti et je suis allé, j'ai demandé les questions qui étaient posées par Al-Mutawakkil. Parmi les personnes à qui il a demandé, il dit, j'ai demandé à l'imam Ahmed ibn Hanbal à propos de Ahmed ibn Rabah. Il a dit, cette personne-là, c'est un Jahmi. Et il est connu comme tel. Hein? Et s'il est placé comme juge dans les affaires des musulmans, il va faire beaucoup de tort pour les musulmans. Hein? Parce qu'il est sur cette voie et sur la bid'a. Il dit ensuite, je lui ai demandé à propos de Ibn al-Khalanji, Ibn al-Khalanji, il a dit la même chose à son sujet. Il a dit la même chose qu'il a dit à propos de Ahmed ibn Rabah. Et il a mentionné que c'était un Jahmi et qu'il était connu comme tel. Et que il était parmi les pires d'entre eux. Et que c'est lui qui pouvait causer le plus de tort aux gens. Ensuite, on lui a posé la question à propos de Shu'ayb ibn Sahal. Il a dit, c'est un Jahmi. Il est connu comme tel. Il dit, et après, on lui a demandé à propos de Ubayd ibn Ahmad. Et il a dit à son sujet, c'est un Jahmi. Et il est connu comme tel. Après, il dit, je lui ai demandé à propos de Ma'ruf ibn Abi Shu'ayb. Il a dit, c'est un Jahmi, il est connu comme tel. Il dit, j'ai demandé à propos de Muhammad ibn Mansour, Qadi al-Ahwaz. Et il a dit à son sujet, il était avec Ibn Abi Duwad. Hein? Et il était, yani, dans la même région que lui. Hein? Et parmi, donc, et il dit, même s'il est un peu, il est meilleur que lui, et il dit, je connais pas son opinion. Puis après, il dit, je lui ai posé la question à propos de Ibn Ali, Ibn al-Ja'd, et il a dit, il était connu parmi les gens qui sont Jahmi, hein, célèbres. Et il était connu pour ça. Puis ensuite, j'ai appris qu'il est revenu de cette position-là. Ensuite, il lui a posé la question à propos de Al-Fath Ibn Sahl, Sahib al-Mazalim Muhammad Ibn Abdullah à Bagdad. Il lui a demandé à son sujet, il a dit c'est un Jahmi, et il est connu comme tel. Il fait partie des compagnons de Bishr al-Murrisi. Bishr al-Murrisi, c'est un parmi les Jahmiyyah, un des plus grands parmi les Jahmiyyah qui appelait à l'égarement. Et il dit que celui-là doit pas être placé comme juge et ou mis dans une place qui a rapport avec les affaires des musulmans, parce que ça cause du tort pour les musulmans. On lui a posé la question à propos de Ibn al-Saldi. Il a dit Mubtadi'un, Sahibu Hawa. Il a dit c'est un Mubtadi'un, une personne qui suit la passion. Il dit j'ai demandé à propos de Ibrahim ibn Uttab. Qala la arifuhu. Il dit je le connais pas. Illa annahu kana min ashabi Bishr al-Murrisi. Sauf qu'il faisait partie des compagnons de Bishr al-Murrisi. Fayambari an yuhdar, wa an la yuqarrab. Donc, il faut faire attention par rapport à lui et il ne faut pas qu'il soit rapproché. Et il ne doit pas être mis dans les positions des questions des affaires des musulmans. Et il a dit, et en général, les gens de bid'a et de passion, ils ne doivent pas être pris pour aider dans les questions qui ont rapport avec les affaires des musulmans, parce qu'il y a dans ça le plus grand tort pour la religion. Ma'ama alayhi ra'yu amir al-mu'minin atallahu baqa'ahu min at-tamassuk bis-sunnah wal-mukhalafati li ahli al-bid'ah. Donc c'est ça. Ça c'est des exemples. Tout ça c'est tiré du livre de l'imam Ibn al-Jawzi. OK? Manaqib al-imam Ahmad. Tout ça c'est pour dire que d'après ce que j'avais même entendu une fois dans les paroles des explications des ulama, ils disaient avant la fitna des Mu'tazila, on a posé la question à l'imam Ahmad au sujet d'utiliser des juifs et des chrétiens dans les affaires sur rapport avec le gouvernement ou des choses comme ça, et il avait dit non. Puis après la fitna des Mu'tazila, on lui a posé la question et il a dit oui. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ces gens-là, les juifs et les chrétiens, tout le monde sait que ce sont des koufars. Tandis que les Mu'tazila, eux, sont des gens qui se disent musulmans et qui parlent au nom de l'islam, et ils appellent les gens au kufr et à l'égarement. Donc, c'est plus dangereux, sont plus dangereux que les juifs et les chrétiens. Donc ça, c'est un exemple de qu'est-ce que j'avais entendu par rapport à ce sujet-là. Qala Ali ibn Abi Khalid. قلت لأحمد بن حنبل إن الشيخ الشيخ حضر معنا هو جاري أوي. Donc Ali ibn Abi Khalid il dit, j'ai dit à l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, il est venu visiter l'imam Ahmad avec quelqu'un avec lui, un autre sheikh, une personne, je ne sais pas si c'est un sheikh dans la religion ou une personne âgée. Il a dit c'est mon voisin. Et il dit, je lui ai interdit de fréquenter un homme, et il aimerait t'entendre, il aimerait l'entendre de toi, directement. Il aimerait entendre ta parole au sujet de cet homme-là. Qu'est-ce que tu dis à son sujet? Haris al-Qaysar, c'est-à-dire l'homme en question, au sujet duquel on l'avait mis en garde, et qu'on avait dit de ne pas le fréquenter, c'était un homme qui s'appelait Haris al-Qasir. Haris al-Qasir, c'est-à-dire Haris al-Muhasibi. Haris al-Muhasibi, C'était un homme qui était, yani, un homme pieux à l'époque, et yani, il était connu pour avoir une certaine connaissance, mais il était mélangé avec du tasawwuf, mélangé avec du soufisme et d'autres idées qui sont contraires à la sunna. Alors l'imam Ahmed avait mis en garde contre lui, hein? Et il a dit, donc il interdisait aux gens de le fréquenter, de s'asseoir avec lui, hein? Et il dit, c'est ça, j'étais avec lui pendant plusieurs années, puis tu m'as dit, ne t'assois plus avec lui. Alors qu'est-ce que tu dis à son sujet? Alors il dit, j'ai vu l'imam Ahmed devenir rouge de colère, hein? Et ses yeux sont gonflés, son visage a commencé à enfler. Je l'ai jamais vu comme ça. Je l'ai jamais vu se mettre dans cet état-là avant. Et il a commencé à parler. Il a dit, celui-là, il a dit, que Allah s'occupe de lui. Hein? Il n'y a personne qui le connaît, excepté quelqu'un qui l'a connu, qui est bien informé. Hein? Et il a dit, وَذَاكَ جَالَسَهُ الْمَرَازِلِ. Et il a dit, il y a un homme qui s'est assis avec lui, qui s'appelait Al-Marazili, et un autre qui s'appelait Ya'qub, et un autre, ils se sont assis avec lui, et à la fin, ils sont revenus avec l'opinion de Jahm. C'est-à-dire l'opinion de Jahm ibn Safwan, qui nie les attributs et les noms d'Allah. Hein, et ces aspects-là. Et à cause de cet homme, à cause de Haris al-Muhasibi, ils ont dévié à cause de lui. Alors, le voisin qui était venu avec la personne pour voir l'imam Ahmed a dit, oh Abba Abdillah, c'est-à-dire, en parlant à l'imam Ahmed, ya Ahmed, il rapporte le hadith et il est posé et humble. Hein? Et donc, il a commencé à mentionner des exemples de son comportement, de sa science, de sa. Hein? C'est un homme qui est comme ça, il fait ses éloges, il commence à mentionner qu'il est posé. Comment tu peux dire ça, hein, de lui? Alors, l'imam Ahmed s'est mis en colère et il a dit, ne laisse pas son humilité et sa douceur te tromper. Hein? Et ne te laisse pas tromper par le fait qu'il baisse sa tête et qu'il fait preuve d'humilité. Il dit, c'est un homme mauvais. Hein? Et il dit, personne ne le connaît excepté quelqu'un qui est bien informé à son sujet. Il dit, ne lui parle pas. Et il n'y a aucun respect pour lui. C'est-à-dire quelqu'un qui rapporte les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est un mubtadi. Atajlis ilay? Est-ce que tu vas t'asseoir avec lui? Il a dit, la, wala karama, wala nu'ma'ayn. Hein? Donc ça veut dire que quelqu'un peut avoir du ilm dans l'islam. Quelqu'un peut avoir de la connaissance de l'arabe. Être très éloquent. Hein? Et être très humble. Et avoir, hein, une apparence pieuse, avoir une longue barbe, hein, et avoir toutes les caractéristiques d'un homme pieux. Et pourtant, c'est un moutadé, parce qu'il appelle à la bid'a, il appelle au soufisme, il appelle à la voix des khawarij, il appelle à la voix des mu'tazila, à la voix des asha'ira, à la voix de... Hein, il y a plein d'exemples comme ça. Donc ça c'est un exemple ici de l'imam Ahmed qui met en garde contre Al-Haris al-Muhasibi. Un autre exemple, il dit, wa qala Abu Daoud fi masa'ilihi l'imam Ahmed. Il est rapporté dans les questions que l'imam Abu Daoud a posées à l'imam Ahmed, hein, qu'il a dit que, il dit, j'ai vu un homme de Bagdad donner le salam à l'imam Ahmed. Abu Daoud a dit, on m'a informé que c'était Abu Bakr al-Marazili. Parmi ceux qui ont pris la position par la suite de yani du waqf, c'est-à-dire waqf dans le sens que ils se sont arrêtés dans la question de la création du Coran. C'est-à-dire que eux, ils ont dit, on ne va pas dire la position de la Ahl-Sunnah, puis on ne va pas dire la position des Mu'tazila. Les Mu'tazila disent que c'est créé, que le Coran est créé, que ce n'est pas la parole d'Allah. Et la position de Ahl-Sunnah, c'est que le Coran, c'est une révélation d'Allah, et que c'est la parole d'Allah, et qu'elle n'est pas créée. Eux, ils ont dit, nous, on s'arrête sur cette question-là. On ne prend pas de position. On ne dit pas créé, puis on ne dit pas créé. L'imam Ahmad a dit, ces gens-là sont des mubtadi'a. C'est des jahmiya qui essaient de se camoufler. Donc, ils ne veulent pas prendre de position pour essayer de cacher leur réalité. Donc, il n'y a pas rendu le salam. Et il lui a dit que je ne te vois pas venir à ma porte. Et il dit, pour quelle raison as-tu agi de cette façon-là avec lui? Il dit, tu aurais besoin que j'agisse avec toi comme Omar agit avec Sabir. Celui qui a dit que Omar m'a fait comprendre. En fait, c'est quoi? C'est que Sabir ibn Asal, Omar ibn Khattab, il l'a puni parce qu'il posait trop de questions sur des choses qui ne sont pas nécessaires de connaître dans le Coran, dans le sens qu'il y a des choses plus importantes que certaines choses. Comme il posait des questions sur certains petits détails, et il allait poser des questions à tout le monde, et il dérangeait tout le monde avec ces questions-là, et il négligeait les choses qui sont vraiment importantes de la science, de l'islam. Et Omar ibn al-Khattab, il l'a pris, il l'a enfermé, et il l'a puni, il l'a frappé pendant 3 jours comme ça. Et à la fin, Sabir ibn Asal a dit, ça suffit Omar, si tu veux me tuer, tue-moi. Mais sinon, le djinn que j'avais dans ma tête, il est parti. Alors il a dit, ok, d'accord. Il l'a fait expulser dans une autre ville, et puis il a ordonné que personne ne lui adresse la parole. Et à la fin, les gens ont rapporté qu'il est mort, mais avant de mourir, il était devenu un parmi les ulama. Parce qu'il avait compris la leçon que Omar lui avait donnée, et il a arrêté de perdre son temps dans les choses qui ne sont pas fondamentales, arrêté de poser des questions sur les mutashabihat, et il s'est concentré dans le ilm, et à la fin, il est mort parmi les ulama. Pardon? Oui, exactement. Les Khawarij ont voulu l'amener avec lui. Il a dit, la addabani ar-rajul as-salih wa al-'abd as-salih. C'est-à-dire, l'homme pieux, il m'a éduqué. Il a compris, il a eu sa leçon. Donc, il dit, toi, tu as besoin qu'on fasse avec toi comme ce que Omar a fait avec Sabir. Et donc, il est rentré dans sa maison et il a refermé la porte. Abu Bakr al-Marwazi, un autre parmi les imams des salafs, il dit qu'un homme qui s'appelait Ya'qub ibn Shayba, lui aussi, il a pris la position de Al-Waqf. Et ça, c'est dans une région de Bagdad. Alors, l'imam Ahmad a mis en garde contre lui. Et Al-Mutawakkil a ordonné à Abdurrahman ibn Yahya ibn Khaqan, comme on a mentionné tantôt, de demander à l'imam Ahmad au sujet de qui il devait prendre comme juge. Et il a dit, Abdurrahman a dit, j'ai demandé à propos de Ya'qub ibn Shayba, il a dit, c'est un mubtadi', sahibu hawa, une personne qui est sur la passion. Et Al-Khatib al-Baghdadi, il dit, l'imam l'a décrit de cette façon parce qu'il a pris la position de Al-Waqf. Il s'est arrêté au sujet de la question, au sujet de la création, que le Coran n'est pas créé et que c'est la parole d'Allah. Ensuite, il dit, وقال الحاكم رحمه الله سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول, il dit, j'ai entendu Abba Ismail al-Tirmizi dire, j'étais moi et Ahmad ibn al-Hassan al-Tirmizi auprès de l'imam Ahmad, Abu Abdullah. Et Ahmad ibn al-Hassan lui a dit, oh Abu Abdullah, ils ont mentionné à Ibn Abi Qutayla, à Mecca, les compagnons du hadith. Et il a répondu, c'est-à-dire Ibn Abi Qutayla a répondu, les gens du hadith, ce sont des gens mauvais. Alors l'imam Ahmad a dit, Zindiqun, Zindiqun, Zindiqun. Et il est rentré chez lui. Il a dit, celui-là qui a dit ça, que les gens du hadith sont des gens mauvais, il a dit, c'est un hérétique, c'est un hérétique, c'est un hérétique. Un hypocrite, munafiq. Zindiq, c'est l'hypocrite, munafiq. Hein? Un hérétique, ça veut dire quelqu'un qui est hypocrite et qui montre son hypocrisie. Et quand on l'attrape, il se repent. Hein? Ça, le zindiq. Et il dit, wa Abdullah ibn Ahmad, il dit, le fils de l'imam Ahmad, il dit, j'ai entendu mon père dire, celui qui dit que ce que je prononce du Coran est créé. Il a dit, ce que je prononce du Coran, c'est créé. Alors il a dit, ça c'est une parole mauvaise, il l'aide. Hein? Et c'est la parole des Jahmiyyah. Et je lui ai dit, Al-Karabisi, il dit cette parole. Alors l'imam Ahmad a dit, il a menti, qu'Allah le dévoile, hein, le mauvais, le sale, hein, en parlant de Al-Karabisi, hein, Al-Khabith, hein, Hatakahullah, Al-Khabith. Et il a dit, Qad khalafa hadha Bishran al-Murrisi. Donc, le fils de l'imam Ahmad demande à son père, celui qui dit ce que je prononce du Coran est créé, il dit ça c'est une parole mauvaise, c'est la parole de Jahmiyyah. Alors son fils lui dit, ça c'est, il y a un homme qui s'appelle Al-Karabi ici, qui faisait partie des ulama, que les gens considéraient qu'il rapportait le hadith et tout, hein. Si vous retournez à les biographies, vous allez voir. Hein, c'était une personne qui était connue comme parmi les ulama à l'époque. Et il dit, son fils Abdullah, il dit, et lui, il dit cette parole-là. Hein, ce que je récite du Coran, c'est créé. Ou ce que je prononce du Coran, c'est créé. Il a dit, il a menti. Que Allah le dévoile. Hein, c'est un sale, hein, un khabif, mauvais. Il a dit, il a succédé Bishr al-Murrisi. Bishr al-Murrisi, c'est un Jahmi, celui qui, un parmi qui, les gens qui appelaient à la bid'a des Jahmiyyah, hein, à l'époque. Hein? Et, Inch'Allah, on va terminer avec cette dernière parole. Il dit, Qala Salih ibn Ahmad, Ja'ani al-Hizami ila Abi. Ja' al-Hizami ila Abi. Donc, al-Hizami, il est venu voir mon père. Et il était allé voir Ibn Abi Duad. Alors, lorsque il est sorti, il l'a vu. Et il lui a fermé la porte. Hein, parce que, c'est-à-dire que Al-Hizami, il est venu voir l'imam Ahmad. Mais il revenait de chez Ibn Abi Duad. Ibn Abi Duad, c'est un parmi les Jahmiyyah, hein, parmi les Mu'tazila. Hein. Donc, il est sorti de chez Ibn Abi Duad et il est allé voir l'imam Ahmad. Donc, quand il est venu pour frapper à la porte de l'imam Ahmad est venu, il l'a vu, il lui a fermé la porte au visage. Hein, et il est rentré chez lui. Donc ça, c'est des exemples. Ça aussi, c'est tiré de Manaqib al-Imam Ahmad dans le livre de l'imam Ibn al-Jawzi. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Puis on continuera ça demain, Inch'Allah, la suite des exemples et des paroles des salafs sur certains de ces points-là. Puis tout ça, c'est pour nous faire comprendre que quelqu'un qui se dit salafi, c'est pas juste de prétendre que t'es salafi avec la bouche, tu dis je suis salafi, puis tu te réfères pas au salaf. Pour être un salafi, tu dois prendre l'exemple des salafs. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui se sont imaginés dans leur tête quelque chose. Ils ont dit, c'est ça, la salafia. C'est comme ça que les salafs étaient. Mais sans retourner aux paroles des salafs et des exemples des salafs eux-mêmes. Donc, ils se sont imaginé quelque chose en réalité, et ils ont appelé cette chose la salafia, mais ils ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Naam. Naam. Demain, les cours qu'on va faire, ça va commencer à partir de Zohor. Demain l'horaire, c'est moi je fais après Zohor les deux cours qui vont être après Zohor, et Ammar il va faire les deux cours qui sont après l'Asr. Donc Zohor c'est 2 heures, c'est pas écrit là-bas, oui c'est ça, 13h52, hein, donc c'est 14h. Puis l'autre, le deuxième, je sais pas, le deuxième à quelle heure, 4h30, le deuxième ça va être à 4h30, et l'Asr c'est à 18h10, donc après ça, ça va être Ammar qui va faire son premier cours, puis le quatrième cours va être vers 20h, Inch'Allah. Donc ça va être comme ça, puis le lendemain, ça va être comme aujourd'hui, c'est-à-dire le jour après, c'est-à-dire aujourd'hui, c'est Ammar qui a fait ce matin, moi je fais après l'Asr. Demain c'est le contraire, moi je fais après Zohr, lui il fait après l'Asr. Puis mercredi ça va être le contraire, lui va faire après Zohr, moi je vais faire après l'Asr. Puis jeudi ça va être le contraire encore. Donc on va s'alterner comme ça, de cette façon-là. Donc on espère que ce sera bénéfique, et puis Inch'Allah qu'on aura une vision plus claire à la fin de qu'est-ce que c'est réellement le manhaj des salafs dans cet aspect-là. Parce que bien entendu, ça c'est un des aspects les plus importants du manhaj des salafs que certaines personnes négligent ou même parfois essaient de nier. Il faut essayer de mettre de l'avant d'autres idéologies, d'autres méthodologies qui sont en opposition avec la aqida des salafs et le manhaj des salafs. Donc c'est important de le connaître pour justement être sur la bonne voie, Inch'Allah, et sur la vérité. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين